Bouygues Télécom. Pauline de Pau rêve depuis très longtemps de posséder un super smartphone pour partager ses plus beaux moments avec ses proches. Ce serait top, mais côté porte-monnaie, Pauline se dit qu'elle doit encore économiser pour se faire plaisir. Eh bien, Pauline, bonne nouvelle! En ce moment, et seulement jusqu'au 26 octobre, c'est la vente flash Bouygues Télécom. Profitez de 70€ de remise sur tous les smartphones grâce au forfait sensation 60Go avec avantage smartphone. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition, valable pour l'achat d'un mobile de 71€ minimum, engagement 24 mois. Bonjour Tiffaine, très bon après-midi à vous. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Matisse se destinait à être clerc de notaire. D'ailleurs, quand il était étudiant en droit à Paris, il n'était même pas allé visiter le Louvre. Mais une convalescence lui a fait découvrir les pinceaux, la palette et le bonheur de peindre, qui est devenu pour lui une sorte d'obsession. Longuement, il a cheminé vers son style jusqu'à l'explosion fauviste qui l'a conduit à être l'un des meneurs de l'avant-garde au début du XXe siècle. Plus tard, c'est la lumière de la Côte d'Azur qui marque l'œuvre du peintre et de cet homme qui pouvait sembler grave mais dont l'imaginaire débordait de vie comme nous l'avons vu au cours de notre premier épisode. C'était en compagnie de l'historienne de l'art Anne Théry. Matisse a fini par découper la couleur avec des ciseaux. Il se moquait bien souvent de la perspective, son style travaillait volontairement la notion de décoratif. Bref, Matisse a poussé plus loin que les autres peintres de son temps le travail sur la plastique pure, ouvrant la porte à une certaine abstraction. Il a peint des portraits, des fenêtres, des danses, ce dont nous avons parlé au cours de notre deuxième épisode, avec les analyses de Claudine Gramont, directrice du musée Matisse de Nice. Enfin, notre troisième épisode était enregistré hors les murs, puisque nous étions à Beaubourg, afin de visiter l'exposition Matisse comme un roman, en compagnie de sa commissaire Aurélie Verdier. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, dernier moment de cette série avec vous, Xavier Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes critique d'art, conservateur de musée, mais également enseignant, écrivain, plasticien. Vous avez beaucoup écrit sur Matisse, par exemple dans Matisse, une splendeur inouïe, que vous avez publié en 1993 et que les éditions Gallimard réimpriment régulièrement dans la collection Découverte. En fait, vous avez écrit sur différents thèmes qu'on aimerait aborder avec vous aujourd'hui, les dessins de Matisse, la sculpture de Matisse, la danse, la chapelle de Vence, le grand atelier ou encore la question de Matisse à Nice. Matisse et la Côte d'Azur, ça vous connaissez bien parce que vous avez été conservateur du musée Matisse de Nice qui est aujourd'hui dirigé par Claudine Gramont. Alors on va commencer avec ça, hein, si vous le voulez, Xavier Girard, le sud de Matisse, sa découverte de la ville de Nice où il dira être venu à la recherche de l'allègement dans la somptuosité. Quel assemblage merveilleux, la légèreté et la somptuosité. Souvent, la somptuosité est attachée à une sorte de surenchère, et un luxe excessif. Chez Matisse, la somptuosité peut naître d'un trait de fusain, de l'incision d'un stylet dans la plaque de cuivre, d'une peinture à tempéra, d'une gouache découpée avec des ciseaux de couturière. Et c'est cette somptuosité-là qui fait aujourd'hui encore et toujours, et peut-être plus que jamais, à l'heure où certains artistes contemporains pratiquent une sorte de, je dirais, d'augmentation folle des moyens, c'est cette somptuosité du presque rien. C'est de cette somptuosité-là que naît chez Matisse l'émotion. Et comment est-ce que cette somptuosité, on peut la raccorder à ce sud, à la Côte d'Azur, à Nice ? Alors je dirais tout d'abord que chez Matisse, elle ne naît pas du sud, elle naît du nord. Elle naît de la somptuosité d'un tapis posé sur une table dans ses tout premiers tableaux. Elle naît de la lecture tout autant. Ses premiers tableaux rassemblent des livres et des motifs décoratifs. Elle naît de la lumière qui apparaît au fond d'une pièce assez sombre dans ses premières années de peintre, dans ce nord assez lugubre, assez sinistre, qui connaît depuis le 19e siècle son industrialisation. Elle naît évidemment au contact de la peinture. Elle naît du regard que Matisse porte sur les grands peintres aimés du Louvre, évidemment, Chardin et bien d'autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même quelque chose de la Méditerranée et des arts méditerranéens, de l'art du pourtour méditerranéen qu'on peut venir aussi trouver dans l'œuvre de Matisse? Alors je réagis amusée à cette idée que Matisse aurait rencontré la lumière dans le sud. Non, pas la lumière, mais par exemple les arts de l'islam. Il les rencontre véritablement à Munich, en l'occurrence, lors d'une exposition qui le fascine parce que la présentation, et cela pourrait donner des indications à des organisateurs d'exposition, parce que la présentation des tapis de cette exposition au début du siècle à Munich montrait les tapis au sol et au mur. Ce qui fait l'émerveillement pour le sud de Matisse est à la fois évidemment lié à la lumière des successifs moments d'éblouissement qu'il connaît en allant d'abord en Bretagne, qui est une sorte de sud pour bien des peintres post-impressionnistes. Cet éblouissement naît aussi de voyages dans le midi de la France, avant Nice, l'Estac, l'Espagne, l'Algérie, et évidemment le Maroc, qui est un moment essentiel de cette espèce de, je dirais, des héliotropismes du peintre. Et puis évidemment, il y a ce jour de décembre 1917 où Matisse arrive à Nice. Il tourne le dos à la scène parisienne, il tourne le dos à la guerre. Il tourne le dos aux embêtements divers et variés, notamment familiaux, et le voilà dans une petite chambre de l'hôtel Beau Rivage. Il se représente lui-même, sa valise à côté de lui, sa palette, et que voit-on dans ce tableau? On voit des persiennes qui donne sur quoi? Sur le bleu. C'est bleu, bleu, bleu, dira-t-il. C'est le bleu clin, presque, pourrait-on dire. Alors évidemment, il ne peint pas tellement la ville de Nice. D'ailleurs, vous venez de le dire un petit peu en creux. Ce qu'il peint, c'est les persiennes et derrière le bleu de la mer ou du ciel. Mais la ville de Nice, est-ce qu'elle l'intéresse? Alors, Aragon dit le peintre se reconnaît dans sa ville et sa ville dans le peintre. Là, je n'en crois rien. J'ai une immense admiration pour Aragon, mais Matisse n'est pas le peintre de Nice. Que peint-il à Nice? Il peint une fenêtre qui n'est que la manifestation glorieuse de la peinture, enfin le double lumineux du tableau. Mais quand il s'agit de peindre Nice, au fond, c'est par défaut. Un jour de carnaval, ces modèles sont tellement distraites par le carnaval qui défile sous les fenêtres des Ponchettes qu'il leur dit bon, mettez-vous à la fenêtre et il fait une peinture, un petit tableau de ce moment. Mais Nice, pour Matisse, notamment dans ce qu'on appelle la période de Nice, celle des années 20, c'est une rêverie orientale, c'est un théâtre, c'est un jeu avec le modèle, une comédie, on pourrait-on dire, comme une exposition qui s'est tenue récemment au musée Matisse, c'est le modèle, les objets, le climat d'un Orient de féerie. C'est la grandeur merveilleuse, comme il le dira du portrait de Greta Mühl en 1908, c'est la grandeur merveilleuse d'un petit espace qui suggère une immensité de couleurs et de lumière. J'ai à peindre un intérieur. J'ai devant moi une armoire, elle me donne une sensation de rouge, bien vivant. Et je pose un rouge qui me satisfait. Un rapport s'établit de ce rouge au blanc de la toile. Que je pose un vert, que je rende le parquet par un jaune, il y aura encore entre ce vert ou ce jaune et le blanc de la toile des rapports qui me satisferont. Mais ces différents tons se diminuent mutuellement. Il faut que les signes divers que j'emploie soient équilibrés, de telle sorte qu'ils ne se détruisent pas les uns les autres. Pour cela, je dois mettre de l'ordre dans mes idées. La relation entre les tons s'établira de telle sorte qu'elle les soutiendra au lieu de les abattre. Une nouvelle combinaison de couleurs succédera à la première et donnera la totalité de ma représentation. Je suis obligé de transposer, et c'est pour cela qu'on se figure que mon tableau a totalement changé lorsqu'après des modifications successives, le rouge a remplacé le vert comme dominante. Il ne m'est pas possible de copier servilement la nature que je suis forcé d'interpréter et de soumettre à l'esprit du tableau. Tous mes rapports de tons trouvés, il doit résulter un accord de couleurs vivant, une harmonie analogue à celle d'une composition musicale. Lecture par André Marcon, des notes d'un peintre de Matisse. On dirait que Matisse est totalement obsédé par la couleur, comme si elle l'impressionnait un peu différemment de tout un chacun. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi, Xavier Girard, que la couleur ne lui fait pas le même effet que à la plupart des gens ? La couleur n'est pas chez Matisse un attribut parmi d'autres du réel. C'est une certaine qualité de son émotion devant le visible. Un jour que son père lui rend visite à Issy-les-Moulineaux et voit un parterre de fleurs, Matisse est assez stupéfait, non pas tant stupéfait que cela d'ailleurs parce qu'il connaît son père, par la remarque assez désobligeante de son père sur le gaspillage coloré de ces fleurs. Pour lui, les fleurs, de même que le bleu de la mer ou les couleurs d'une étoffe ou le couleur des yeux d'un modèle, c'est une certaine qualité d'une sensibilité extrême qui parfois chez lui identifie la couleur à une sorte d'empreinte violente comme au fer rouge. Quand il peint l'Atelier rouge, au moment de la mort de son père, on a pu dire que ce rouge, ce n'est pas seulement la couleur de la palette, mais une sorte de rouge sang lié à une souffrance. Lorsqu'il est en Corse, et c'est l'un de ses premiers, j'ai oublié de parler de ce voyage en Corse. Voyage de noces. Sorte de voyage de noces en 1898. Il se promène avec sa femme dans les collines et est absolument ébloui par les sanguinaires. Il y a quelque chose chez Matisse, effectivement, d'une hyperesthésie chromatique. Alors, cette hyperesthésie chromatique, on la retrouve évidemment dans une œuvre emblématique de ce sud de Matisse, qui est la Chapelle de Vence. Vous l'avez souvent visitée, j'imagine, Xavier Girard. Et beaucoup écrit sur elle, trop d'ailleurs, parce que elle se suffit en quelque sorte pour chaque visiteur à elle-même. Il suffit d'entrer dans la Chapelle de Vence pour être frappé par la magie Je reviens encore à ce portrait de Greta Mol. Il parle de splendeur inouïe, comme mon ouvrage sur Matisse, mais il parle aussi d'une grandeur merveilleuse. La chapelle de Vence, c'est une grandeur merveilleuse. Et pourtant, elle est toute petite. Pourquoi? Parce qu'elle est toute petite, effectivement, et qu'elle suggère une impression de grand bonheur lumineux. Un jour, Matisse est là dans la chapelle de Vence. Il y a une photo extraordinaire où on le voit avec sa grande chape posant dans la chapelle, et il se penche vers du sable, une sorte de ciment gris. Et il a l'impression que ce ciment gris, c'est du rouge pur. Et à un autre moment, il dit l'espèce de moucharabier du confessionnal, cette espèce de trame légère. Là, on est encore un petit peu dans les arts de l'islam. Mais bon, je dis ça juste en passant. À travers cette claustra, il aperçoit une lumière lilas. Un rose parme lilas qui naît de la réverbération de ces vitraux qui, souligne-t-il, sont aux frères Essiguier, sont merveilleuses parce qu'il y a à la fois des couleurs translucides et d'autres qui sont simplement transparentes. On écoute Matisse à ce sujet. La chapelle est faite de contraste. C'est ainsi que la flèche en fer forgé. Évidemment, en fer forgé, on ne peut pas la croire autrement qu'en fer forgé. Cette flèche est posée sur les couleurs de la Vierge, le bleu et le blanc. Les choses les plus tendres, n'est-ce pas? La hauteur de la flèche est exactement celle de la chapelle. Ça pourrait être une cause de monotonie, mais seulement je me suis rattrapé sur les épaisseurs. Voyez-vous, j'ai cherché mon harmonie et mon équilibre, ma sympathie entre les choses, par les épaisseurs, qui ne sont pas les mêmes. De même, dans la chapelle, l'autel. L'autel est surmonté par un Christ très très mince sur une tige qui a peut-être 2 cm de diamètre, pas plus. Et alors, et ce Christ a la hauteur aussi de l'autel. Je me rattrape aussi sur les épaisseurs. Alors il y a une espèce d'unité qui vient d'une commune mesure, de rapprochement de mesure, et en même temps une diversité qui vient par la largeur des choses. C'est ça, un côté, c'est quelque chose d'un peu original. Voilà. Il y a un côté de mur tout en vitrail, tout en couleur, n'est-ce pas, disons, en transparence, et l'autre côté de la chapelle est un mur de terre, derrière lequel il y a de la terre. En réalité, c'est un mur qui est orné avec ces grandes céramiques blanches, et qui ont la même valeur, la même pesanteur que les vitraux. Le problème dans cette chose-là était d'équilibrer une grande surface de lumière avec une surface qui n'a pas de lumière, qui a sa lumière propre, qui est un objet éclairé, mais qui ne projette pas de lumière. Alors on vient de l'entendre, Matisse disait dans cet entretien accordé à Robert Sadoul à la fin des années 40 que son but principal à la chapelle de Vence, c'était d'équilibrer une surface de lumière et de couleur avec un mur plein au dessin noir et blanc. C'est un peu le même équilibre que ce qu'il avait déjà réalisé dans ses livres illustrés et notamment peut-être dans Jazz, les deux murs qui se font face de la chapelle de Vence, c'est presque un petit peu deux pages de ce livre aussi. C'est une sorte de livre ouvert que la chapelle comme il le dit, se rattrape sur les épaisseurs. J'adore cette expression. Pourquoi ? Je n'arrive pas à se souvenir. Se rattraper sur les épaisseurs, c'est aussi se rattraper sur les équivalences et les contrastes, le dessin et la couleur, la lumière et la lumière couleur, et puis quelque chose qui est de l'ordre de l'évanescence, le dessin. Je dirais d'un seul geste, et comme dans le chemin de croix, comme une sorte de, je dirais, de démonstration par la succession des images. C'est convoquer en somme tous les aspects qui constitue un chef-d'œuvre, c'est-à-dire une complexité inouïe dans une apparente légèreté, comme il en est question à propos de Lydia de Skorskaya, son modèle. C'est cela qui fait la qualité éminente de l'œuvre de Matisse, toujours aujourd'hui. Et puis, il y a cette idée qu'il faut prendre en compte absolument tous les endroits, tous les recoins de cette chapelle, de la même façon que chaque centimètre carré d'un tableau a son importance et doit dialoguer avec tous les autres centimètres carrés du même tableau. Duchamp disait c'est le visiteur qui fait le tableau, c'est le regardeur qui fait le tableau. Il en va de même chez Matisse. Quand on entre dans la chapelle de Vence, c'est chaque visiteur qui, environné par les vitraux, la céramique, la sculpture, le sol, qui a mémorisé le toit bleu, les tuiles bleues et une sorte de campanile de fer forgé, c'est le visiteur qui fait la chapelle de Vence. C'est de même que c'est en quelque sorte le fidèle qui fait la foi. Tout art vraiment digne de ce nom est religieux. Et on voit qu'un artiste sort de son sentiment, n'est-ce pas, une création faite de lignes de couleurs. Si cette production n'est pas religieuse, elle n'existe pas. Ou alors c'est des arts documentaires, c'est de l'art anecdotique, etc., qui n'a rien à faire, qui n'est plus de l'art, qui vient à une certaine époque de civilisation, qui a besoin d'expliquer, de montrer aux gens sans éducation artistique, de montrer des choses qu'ils pourraient remarquer sans avoir besoin d'artistes, mais ils sont paresseux d'esprit, il faut leur mettre sous les yeux une image qui leur fasse des souvenirs, qui les entraîne un peu plus loin même. Mais ça n'est pas cet art dont nous n'avons plus besoin maintenant. Cette chose-là est dépassée. Je veux que les visiteurs de la chapelle éprouvent un allègement d'esprit, que même sans être croyants, ils se trouvent dans un milieu où alors l'esprit est aisé, où la pensée est claire, et alors le sentiment aussi allégé. Entretien avec Georges Charbonnier en 1951. Alors si tout art est religieux, Xavier Girard, il était logique pour Matisse, grand artiste, d'arriver à faire cette chapelle de Vence à la fin de sa vie. Mais qu'est-ce que ça nous dit de son rapport aux religieux et à la religion catholique ? Matisse a été enterré à la suite d'une cérémonie religieuse, il ne l'avait pas souhaité. C'est la famille qui l'a demandé. Mais il avait un rapport très, très clair aux exigences spécifiques de la réalisation d'une chapelle. Exemple, il demande, dans la correspondance extraordinaire qu'il entretient avec le frère Récillier, qui est son interlocuteur pendant toute la durée de la réalisation de la chapelle, il demande constamment des précisions sur notamment par exemple les couleurs de la liturgie, les chasubles qu'il réalise et qui sont des chefs-d'œuvre absolus respectent très scrupuleusement la succession des couleurs d'une semaine. Un jour, le Récillier lui dit « Mais votre Vierge, vous devriez lui donner une espèce de jupe un peu plus courte quand même pour un faire peu plus moderne. Plus moderne. » Il dit « Mais comment ça c'est hors de question. La Vierge, c'est dans son esprit, les icônes, et l'immense histoire de la peinture. Mais il y a des points sur lesquels le père Ressiguier et Matisse sont d'accord. Par exemple, la disposition de l'autel pour que elle soit conforme, cette disposition à la réforme liturgique, qu'on puisse voir les fidèles, ne pas leur tourner le dos. Et Matisse aime beaucoup ça. Enfin, ça lui convient bien. Je n'ai plus souvenir du détail, notamment de la position de l'autel, mais il est frappant de constater que dans ce petit espace, Matisse a disposé l'autel en oblique. Et ça, je crois que ça vient vraiment de Matisse et non de, de Ressiguier. Ce respect du texte et de la dogmatique de l'Église contraste vivement avec nombre d'artistes qui ont succédé à Matisse dans la réalisation des vitraux et des ornementations de l'Église et qui souvent sont sans rapport aucun avec le texte religieux. Puis-je vous demander de suivre la main de Matisse découpant? Imaginez l'entaille engagée. Les ciseaux qui tournent, remontent, dessinent à l'envers, repiquant. On peut voir comment ainsi ces gouaches ont été découpées par grands morceaux, comme d'un trait ininterrompu. Cet exercice au Matisse, dans le dessin, a été incomparable. Les unes faites ainsi d'une seule pièce, les autres par grands fragments ininterrompus du passage de l'acier. Comment ne pas souligner la prodigieuse gymnastique d'esprit que cela représente, quand ces ciseaux tournant et retournant, Matisse garde en tête, contre toute vraisemblance, l'anatomie, la marche anatomique du dessin. Et encore faut-il ici parler de la taille des gouaches. La danseuse créole est de 2,05 m sur 1,20 m. Zulma, de 2,38 m sur 1,33 m. La négresse, de 4,48 m de haut sur 6,70 m de large. Tristesse du roi, de 2,92 m sur 3,86 m. Un extrait du livre Henri Matisse, roman d'Aragon, lu ici par Lara Brulle. On y devine un petit peu, Xavier Girard, la manière dont travaillait Matisse à ses grandes gouaches découpées. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de sa méthode de travail, si on peut dire, de sa façon de travailler? Est-ce qu'il y avait des grandes généralités qu'on peut énoncer? L'une des règles qu'il se fixe très tôt, c'est la relation avec le modèle. Qu'il s'agisse d'une nature morte ou qu'il s'agisse d'un modèle vivant. La relation également avec l'espace environnant, qui souvent, longtemps, jusque assez tard, n'est pas un atelier au sens traditionnel du terme, mais une pièce de la chambre, de l'hôtel où il séjourne ou du petit appartement où il vit. Ça, c'est important aussi c'est de très peindre. Important. Alors, il peint toujours en intérieur ou quasiment toujours, et ça peut être donc dans des grands ateliers comme ici les Moulineaux, mais ça peut être aussi dans des chambres d'hôtel comme vous venez de le dire. Il peint sur le motif pendant jusqu'à assez tard, mais ce n'est pas un peintre impressionniste que Matisse. Le plus grand nombre de ses tableaux sont réalisés en atelier. Enfin, plus ça va, en tout cas, plus on est à l'intérieur. Exactement. Mais on constate que cet intérieur, plus ça va, devient se dilate, se diffuse et gagne parfois jusqu'au plafond. À la fin de sa vie, Matisse va dessiner au plafond depuis son lit le visage de ses petits enfants. L'atelier, c'est une figure non pas seulement spatiale, mais c'est une figure temporelle. C'est la mémoire aussi des œuvres qui continuent à agir sur son esprit. C'est le cas de l'atelier rouge ou de l'atelier rose, et c'est le cas qui sont donc deux peintures justement de ce très grand atelier d'ici les Moulineaux. pas du tout si grand que ça. Un petit atelier construit dans le jardin en planches et qui, si l'on le, c'est 100 mètres carrés, je lis sur. C'est bien moins. Non c'est pas si grand. Et évidemment, pour réaliser un certain nombre de ces très grandes œuvres décoratives des années 30, comme la danse par exemple, il va louer un garage à Nice, rue des Iréniels. Pour agrandir son espace, il va acheter deux appartements contigus dans l'hôtel Regina avec des pièces assez grandes. Et là, mais c'est un peu le paradis, du coup, c'est cet endroit pour peindre quand même dans l'hôtel Regina. C'est un paradis parce que, je dirais, la situation de cet appartement devant la ville est en fait principalement tourné vers le ciel et la mer, vers un horizon très vaste. Mais on se tromperait en considérant que l'espace chez Matisse est une donnée, je dirais, métrique. Il peut donner, et c'est un trait constant de l'œuvre, dans un petit espace, l'idée d'immensité. On va continuer à parler de tout ça avec vous et en particulier de sa sculpture et de ses dessins. Mais c'est à présent le moment de retrouver notre traditionnelle chronique du jeudi. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique du jeudi qui est une carte blanche et que nous avons proposée aujourd'hui à Olivier Barbaran. Bonjour à vous Olivier. Bonjour. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale mais également spécialiste d'Aragon et vous-même poète. Vous venez justement nous parler aujourd'hui de Matisse et les poètes. Matisse et ses poètes, avec un possessif, il y a droit je crois. D'Apollinaire à René Char, de Reverdy à Bobin, d'Aragon à Dominique Fourcade, tout un pan de la poésie contemporaine ou moderne a pu se confronter à Matisse. Sans que l'intérêt diminue avec sa mort en 54, on a même peine à croire qu'il soit mort au milieu du XXe siècle, tant la reconnaissance de son importance pour la modernité, peut-être pour une autre modernité, se sont affirmées depuis son décès. Mais plutôt qu'à ces poètes que l'œuvre nourrit, donnons d'abord la priorité à ceux plus anciens avec lesquels Matisse a choisi de dialoguer par l'illustration, qu'il s'agisse de Mallarmé en 1932 et au fil des années 40, Ronsard, Charles d'Orléans ou encore Baudelaire. Pour les amours de Ronsard, Matisse a effectué lui-même la sélection des poèmes illustrés de 126 lithographies. Rien peut-être ne permet de mieux saisir le regard de Matisse que le dialogue ainsi constitué entre ce qu'il retient de Ronsard et ce à quoi il répond. Ce qu'il peut y avoir parfois d'un peu imposant, surpuissant dans l'écriture de Ronsard, et comme allégé, assoupli. L'intensité demeure, mais change de teinte, et ce sont des crèmes, des courbes d'un brun léger de sanguine, qui à mon sens servent particulièrement le discours érotique du poète renaissant. Il l'arrache en effet à une gangue mythologique un peu lourde d'huile et de trop de soleil, et parfois surannée. Admirable restitution d'une grâce dansante, par exemple, que le dialogue entretenu à la page 64 du Florilège des Amours, je cite « Plus étroit que la vigne, alors mot se marie, de bras souplement forts, du lien de tes mains, maîtresse, je te prie, enlace-moi le corps. L'enlacement, mais aussi et surtout, ce qui ne laisse de me surprendre, des bras souplement forts, écrit Ronsard. Ne dirait-on pas que Ronsard commente ici des dessins de Matisse, les courbes dont il rappelait qu'elles n'étaient pas folles, mais aussi cette sorte de grâce un peu volumineuse et quasi sculpturale qui caractérise son traitement des bras, notamment féminin? La rencontre avec Baudelaire pouvait être peut-être plus surprenante compte tenu de représentations a priori que chacun peut se faire des deux œuvres. Matisse illustre en Baudelaire, est-ce le culte de la joie contre le spleen, les fleurs du mal en fleurs du bien? Laissons la parole à Matisse, ne serait-ce que pour le plaisir d'entendre son admirable franc-parler d'ancien rapin. Il écrit à Charles Camoin, le 6 septembre 1944, « J'ai fait l'illustration de ton copain Baudelaire. J'ai fait, correspondant aux pièces choisies, 35 têtes d'expression en litho. Ce n'est pas ce qu'on attend généralement de l'illustration de ce poète. On imagine facilement une série de jambes en l'air, plus ou moins tourmentées. J'espère que les bourgeois ne seront pas aussi exigeants qu'ils me tiendront compte de mon travail inattendu. Surtout pas de scène convulsive, donc, de l'attirail à la Félicien Rops. Au lieu de cela, Matisse avait fait le choix de se fier uniquement à des dessins de visage, d'inscrire tout entier le spleen dans le regard de Baudelaire, qui passe par quelques traits brouillés au milieu de la ligne claire. Regard intense, mais troublé entre quelques lignes limpides. C'est évidemment aussi au visage, plus profondément, que se jouera l'enjeu de l'illustration de Visage de Reverdy, le livre de Reverdy en 46, une date à laquelle peut-être la célébration des phases humaines pouvait avoir une particulière actualité. Le hasard objectif enfin a pu jouer son rôle dans les rencontres. Au début de mai 46, René Char envoie son poème « Le requin et la mouette » au peintre, lequel croit qu'il constitue une réplique poétique à un dessin qu'il venait d'achever, mais que Char, au fait, ne connaissait pas. Le poète et le peintre ont donc fait, comme l'explique Dominique Fourcade dans ses notes aux écrits et propos sur l'art de Matisse, simultanément mais séparément, le lien thématique entre requin et mouette, entre haut et bas, brutalité des profondeurs et légèreté aérienne, gris d'acier, blanc céleste. Comme l'écrit René Char, il y a un jour de pur dans l'année, un jour qui creuse sa galerie merveilleuse dans l'écume de la mer, un jour qui monte aux yeux pour couronner midi. Hier, la noblesse était déserte, le rameau était distant de ses bourgeons, le requin et la mouette ne communiquaient pas. Alors, est-ce qu'on peut faire, Olivier Barbaran, une sorte de synthèse du rapport entre Matisse et ses poètes ? C'est hasardeux, mais je vais m'y hasarder. Tous les poètes, à commencer par Aragon, dont l'admirable Henri Matisse roman constitue un long cri d'admiration et va même jusqu'à fantasmer une sorte, ou jouer avec le fantasme d'une sorte de paternité de Matisse sur Aragon, ont ainsi contribué à lever un malentendu. Tous ont su voir, à travers la célébration de la vie, si exotique dans une modernité essentiellement ténébreuse, ce qui interdit de parler d'un oubli du tragique. Un personnage nommé la douleur, insiste Aragon en confrontant ainsi l'explosion lumineuse de Matisse à la période de l'occupation durant laquelle il l'a rencontrée, à la confrontation avec l'âge, la maladie, d'une époque qui tortura jusqu'à la famille même de Matisse. Dominique Fourcade, à son tour, y insiste. Chez Matisse, l'histoire palpite sous la grâce des lignes, la nuit sous l'éclat des couleurs. L'amour du monde est ainsi le fruit d'un effort, d'une exigence, celle de faire se rejoindre en dépit de tout la mouette et le requin. Laissons-lui encore une fois la parole, dans son prosaïsme brandi contre toute grandiloquence. À Albert Marquet, le 16 janvier 1942, à 73 ans, le peintre écrit « Vraiment sans blague, je bénis ma terrible opération qui m'a tout à fait rajeuni et rendu philosophe, ce qui veut dire que je m'en fous un peu. Et que je ne veux surtout pas empoisonner le rabiot qui m'a été donné. J'ai tellement préparé ma sortie de la vie qu'il me semble être dans une seconde vie. Il y a hier un an que je me suis réveillé à Lyon dans mon lit d'opéré. Quand je m'en suis relevé, 3 mois après, les bonnes sœurs infirmières m'appelaient le ressuscité. Vive la joie et les pommes de tes frites, je suis majeur. » Merci beaucoup Olivier Barbaran pour ce jeu de miroir entre Matisse et ses poètes. À très bientôt. C'est toujours la compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture. Nous sommes avec l'historien de l'art Xavier Girard pour cette dernière émission consacrée au peintre Henri Matisse, mais sans doute faudrait-il dire aussi au sculpteur et dessinateur Matisse. Cette expérience du dessin avait pour but de lui faire retrouver entre les choses qui s'harmonisaient devant lui la ligne qui les unit. Et cette ligne dont il donnait l'exemple, par exemple, dans la grande composition de la croix, la mort de Sardanapale, et dont il me montrait sur une reproduction comment elle passe comme une sorte de serpent d'un bout à l'autre de la composition, passant d'un oiseau à un personnage pour arriver à se terminer sur le point de l'esclave. Disait-il, quand je saurai dessiner de semblables lignes, je pourrais alors commencer à aborder la grande composition. Il avait alors 73 ans, et c'était vraiment l'expression de la plus haute modestie qu'un grand artiste ait pu jamais donner et que j'ai jamais entendu de mes oreilles. Il est vrai d'ailleurs qu'en dehors même de la question de la grande composition, la dernière période de la vie de Matisse ne s'est pas bornée à ses dessins, et que là, dans cette période même, il a fait parmi les plus émouvantes, les plus fraîches, les plus persuadantes de ses toiles. Louis Aragon qui continue de nous accompagner avec Georges Charansol en 1954. Alors Matisse est tellement associé, on l'a beaucoup dit déjà dans cette émission et même dans toute cette série, aux blocs de couleurs éclatantes, aux grands aplats, qu'on a tendance à penser que le dessin finalement était secondaire, que ce n'était pas le lieu finalement où il pouvait s'exprimer le mieux. Qu'en pensez-vous, Xavier Girard ? Lorsque Matisse, en 1908, a créé autour de lui une sorte d'académie. Beaucoup de jeunes peintres venaient de tous horizons pour une raison principale, et l'un d'eux le leur dira, je voulais que vous nous donniez vos couleurs. Matisse est effrayé par cette demande, car les couleurs que ces jeunes gens voulaient, c'est des couleurs essentiellement brutes, jetées directement du tube de peinture. Et il se dépêche d'aller chercher un buste en plâtre pour qu'il se mette au dessin. De ce point de vue, Matisse est un moderne qui est aussi un anti-moderne, ou dont l'anti-modernisme le porte aux confins du moderne, et renouant ainsi avec l'apprentissage académique du dessin. Sauf que le dessin auquel il convie ces jeunes gens n'est pas du tout le dessin de l'académie. C'est un dessin qui passe essentiellement par une forme d'identification au modèle, d'adhésion sentimentale. On peut dire ça de beaucoup de peintres, non ? Enfin, beaucoup de gens qui dessinent, qui font des portraits. À l'époque où Matisse le dit, ce n'est pas la règle commune, et notamment dans les écoles d'art et dans les milieux artistiques dominants. Je vais dire une chose personnelle à ce sujet. Matisse, dont on pourrait parler longuement, notamment les techniques du dessin de Matisse. J'ai souvenir un jour dans la maison de Marie Matisse, qui était la seconde femme de Jean, l'un des fils de Matisse. Je regarde les dessins de sa réserve de dessins, et je tombe sur un dessin dont le musée possédait déjà un exemple. C'est un portrait de Rabelais, et que Matisse a réalisé les yeux fermés. Mm-hmm. En aveugle. Je cite cet exemple, mais il y en a bien d'autres, notamment le modèle que l'on va dessiner genou contre genou, ou simplement le dessin d'une lettre. Il y a des pages entières où Matisse va reproduire un A ou un B, de même qu'il reproduit la forme d'un escargot. Donc on pourrait parler longuement de cela. Alors pour dire quoi ? Parce que qu'est-ce que c'est finalement de dessiner sans regarder ? C'est dire qu'il faut se défaire de la conception traditionnelle du dessin qui procède par le contour et qui serait étranger à la couleur des idées, comme il est dit souvent. Il n'y a pas besoin de modèle, il suffit de fermer les yeux, il n'y a pas besoin d'avoir un modèle en face de soi. Il y a besoin d'un modèle pour Matisse, et c'est en quoi il est à la fois moderne et anti-moderne. Il y a toujours besoin d'un modèle, mais il arrive aussi que ce modèle soit, je dirais, ébloui par une dimension mémorielle. Quand il peint à Tanger Hamidou le Marocain ou Zora, le dessin de ce jeune homme effrayé de devoir poser devant un peintre passe pour Matisse par le souvenir des icônes qu'il vient de voir lors d'un voyage à Moscou. Mais il a quand même besoin d'avoir quelqu'un en face de lui, oui. Même s'il s'agit, oui, parfois de fermer les yeux pour, oui, oublier, enfin pour ne pas dessiner exactement ce qu'il voit, mais pour dessiner son émotion. Sauf peut-être lorsque le dessin passe non pas par un modèle vivant, mais par ses propres productions. Il est très fréquent chez Matisse de voir des sculptures et des tableaux représentés à l'intérieur du tableau. C'est une façon d'indiquer que le dessin ne se joue pas seulement dans le face-à-face, dans le duo du peintre et de son modèle, mais dans l'esprit du peintre habité par une mémoire qui n'est pas seulement une mémoire des événements, mais une mémoire physique, une mémoire gestuelle, celle de faire une sculpture, par exemple. Alors, on parle là du dessin, tout de même avec un modèle assis. Est-ce qu'il y a aussi du croquis ? chez Matisse. Est-ce que Matisse pouvait se promener, je ne sais pas, dans les rues et faire des dessins comme ça instantanés? Dans sa jeunesse, oui, avec Marquet, il y a des dessins de fiacres, de chevaux, il y a des croquetons comme ça de rue. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui se donne à voir dans un dessin, par exemple à Saint-Tropez, où il représente ses propres chaussures, le muret qui conduit jusqu'à l'horizon, un arbre. Le dessin, c'est une manière d'entrer en communion avec l'espace dans lequel le peintre se trouve. Or, cet espace chez Matisse, il n'est pas seulement physique, il est aussi mémoriel, émotionnel, sensitif, et lié à une extrême concentration dans un duo amoureux, en quelque sorte, avec le monde. Moi, j'ai fait de la sculpture comme complément d'études. J'ai fait de la sculpture quand, fatigué de la peinture et ne pouvant pas attraper tous les bouts, eh bien, j'étais un petit peu fatigué de la peinture. J'ai pris de la sculpture pour changer de moyen. Mais j'ai fait de la sculpture comme un peintre, mais je n'ai pas fait de la sculpture comme un sculpteur. Ce que dit la sculpture n'est pas ce que dit la peinture, ce que dit la peinture n'est pas ce que dit la musique. Ce sont des routes parallèles, mais qu'on ne peut pas confondre. Matisse qui évoquait la sculpture, ses sculptures, même chose un peu pour le destin. Elle a été considérée, la sculpture de Matisse, peut-être comme étant un petit peu secondaire dans son œuvre. Peut-être que lui-même en est un peu responsable de ce point de vue, parce qu'il affirmait qu'il sculptait, on vient de l'entendre, comme un peintre. Est-ce qu'il considérait qu'il n'était pas tellement sculpteur? Je crois que c'est vraiment pas le sujet pour lui. J'aime énormément cette phrase qu'il dit et que les auditeurs ont entendu il y a un instant. Je me suis rattrapé avec les épaisseurs. Au fond, la sculpture, c'est un peu cela. C'est se rattraper avec les épaisseurs. Quand le dessin semble fuir, quand la peinture se fait trop abstraite, il se rattrape avec l'épaisseur de l'argile, avec l'épaisseur d'un corps. Il a besoin de se rattraper beaucoup? Oui, parce que le vertige le prend souvent, et l'angoisse de se heurter à une impossibilité, celle de faire en sorte que l'œuvre existe. Et Matisse, anxieux, follement anxieux, dira de lui, je ne sais plus quel contemporain de Matisse. Matisse était un insomniaque et qui dans certains moments entre dans des fureurs absolument terribles. Il n'a jamais peint son anxiété, c'est étonnant, si. Ça. Quand vous regardez notamment bien des œuvres de toutes les époques d'ailleurs, que ce soit la fenêtre à Collioure avec ce rideau noir qui vient se substituer au bleu de la mer, quand vous regardez le portrait de Yvonne Landsberg tout de gris comme un oiseau de malheur, quand vous regardez certaines page de jazz où l'ange est frappé au cœur, quand vous regardez bien des œuvres apparemment éclatantes de couleurs, de liberté, de génération quasi spontanée de la beauté, tout ceci se paye d'une angoisse incroyable, et cette angoisse il l'écarte, comme il le dit dans le texte qui a été cité. Je m'en fous de ma maladie. En réalité, la maladie le conduit à réaliser un peu plus avant encore cet allègement. Oui. Dans la somptuosité. Et alors, est-ce qu'il faisait de la sculpture pour se reposer justement de tout ça, pour se reposer de sa peinture? Non, comme il le dit, c'est un complément. C'est un dialogue qui s'établit avec la peinture, et c'est particulièrement frappant dans les dos, par exemple, qui sont comme des bas-reliefs. et qui sont très très liés à des tableaux comme Les Femmes à la rivière. C'est cet échange. Je crois une chose, Amand, et que j'expérimente de plus en plus. Matisse est quelqu'un qui n'isole pas le travail de l'artiste dans un registre. Il lui importe de communiquer au regardeur quelque chose qui est de l'ordre du travail du peintre. Le dessin, l'architecture d'une chapelle, la sculpture, les décors de théâtre, les costumes de théâtre, la vie quotidienne, l'échange avec des objets qu'il collectionne. Pourquoi Matisse nous fascine? Parce qu'il nous introduit dans un espace de création. Qu'il est donné à chacun de ressentir. Alors, quand on regarde certaines de ses sculptures, on a l'impression de retrouver des formes qui ont déjà été peintes par lui. Est-ce qu'il y a une correspondance aussi des formes, voire des sujets, entre peinture et sculpture? Quant au retour de Biskra, un voyage qu'il fait en Algérie en 1907, il s'attaque à un grand, il reprend une sculpture, un grand nu couché. Il est absolument effrayé un jour que cette sculpture se brise en tombant de la tablette du sculpteur, et il reporte cette espèce de blessure dans un tableau extraordinaire qui est le nu bleu, le grand nu bleu, qui est une transposition en peinture d'une sculpture qu'il restaure en quelque sorte, qu'il répare. Mais le chemin se fait aussi dans l'autre sens, et notamment dans ses très nombreux tableaux dans lesquels il représente ses propres sculptures. Il n'est pas un hasard d'ailleurs que Matisse soit allé visiter à Banyuls Mayol et qu'il ait beaucoup aimé Giacometti. Mais dans ses sculptures qui sont sensuelles aussi, comme sa peinture, est-ce qu'on ne retrouve pas justement le regard amoureux, voire le désir du peintre sur des formes de femmes, par exemple, sculptées? Matisse n'est pas Mayol, je parlais du nu bleu, qu'il reprendra par la suite en gouache découpée. C'est une peinture assez offensive où la sensualité entre guillemets n'est pas le premier mot. C'est un rapport extraordinairement, je dirais, concret au corps humain. Beaucoup de ces sculptures, je pense par exemple à la série des Jeannettes, ont un aspect monstrueux. Les Jeannettes sont comme un bulbe, comme l'équivalence d'un visage et d'un bulbe qui se développerait. Cela donnera des idées à Picasso dans ses sculptures où les femmes apparaissent monstrueuses. Il ne faut pas jamais omettre chez Matisse cet aspect inconscient. Nous ne sommes pas là face à un peintre surréaliste, à l'évidence, mais l'inconscient est capital. L'inconscient et la mémoire. La mémoire et aussi la sensualité, comme par exemple dans la danse. J'aime beaucoup la danse. Je trouve que la danse est une chose extraordinaire comme vie, comme rythme. Et c'est tout à fait, je trouve ça très bien et je vis dedans très, très facilement. Si bien que quand j'ai eu à faire une danse pour Moscou, j'ai simplement été au Moulin de la Galette le dimanche après-midi et j'ai regardé danser. J'ai regardé notamment la farandole, souvent vers la fin de la séance, ou au milieu il y avait une farandole. Alors cette farandole est une chose très gaie, les danseurs se tiennent par la main, courent à travers la salle, entortillent les gens qui sont un peu égarés, c'est extrêmement gai. Et alors tout ça était sur une musique toute simple, une musique sautillante, je connaissais bien cette chose-là, et quand j'ai eu à faire une composition, je suis retourné au Moulin de la Galette pour revoir ça. Alors, rentré chez moi, j'ai composé ma danse hanche sur ma surface de 4 mètres, et en chantant le même air que j'avais entendu au Moulin de la Galette. Si bien que toutes mes compositions, tous mes danseurs sont d'accord. Et ils dansent, n'est-ce pas, sur le même rythme. Mathis, en 1951, toujours avec Georges Charançon, il dansait lui-même, il chantait en peignant ainsi, ses modèles, enfin ses dessins pouvaient danser sur le même rythme. Mathis a une caractéristique, c'est que rien de ce qui produit le bonheur, la musique, les livres, la peinture, la danse, la nature, le corps d'une femme, un modèle, les couleurs, ne lui est étranger, c'est clair. La danse et le chant, il y a une sorte d'introduction du mouvement de danse dans un chant. Et Matisse aimait beaucoup les ritournelles. Il se souvenait, il avait une mémoire incroyable de certaines phrases qu'il entendait dans son enfance en ch'ti. Cette musique du Nord, de la langue du Nord. Et quant à la danse, quand il est à Collioure, par exemple, les Sardanes l'impressionne beaucoup, et il rejoue lui-même dans son propre corps c'est des mouvements de danse, et évidemment quand Diaghilev lui demande de réaliser des costumes et des décors de danse, cela ne peut que je dirais l'enthousiasmer. Mm-hmm. C'est une question d'empathie avec le mouvement induit d'un corps, simplement. Un corps n'est pas seulement une anatomie, il est une certaine cristallisation de mouvements aimés. Et ça, il arrive à le retraduire dans une image fixe, ce qui est tout de même assez extraordinaire. J'aimerais qu'on parle, pour terminer un tout petit peu avec vous, de ce que vous expliquez dans votre livre « Trois hommes dans un jardin ». Vous imaginez Matisse, Monet et Marquet à Giverny, un jour en particulier, le 10 mai 1917. Pourquoi avoir voulu vous intéresser à cette rencontre entre ces trois fameux personnages ? Parce que... Si Matisse est un roman, c'est, et Aragon le démontre bien, c'est parce que il nous donne la possibilité d'établir avec lui un rapport romanesque. C'est le cas d'Aragon. Le rapport d'Aragon à Matisse est un rapport qui est en grande partie, vous le disiez, fantasmé. Je crois que toute exposition réussie invite chacun d'entre nous, je dirais, à fantasmer son propre rapport à cette œuvre. Et dans le cas de Matisse, c'est grandement lié à ma propre enfance, où chaque été nous partions dans un village de Normandie, à Ménilval, et j'ai été très frappé par quelques tableaux de Matisse. Ce sont des natures mortes de poissons au pied de falaises lors d'un séjour qu'il fait en 1921 à Étretat. Et il lui arrive d'imaginer de passer par Giverny. Il n'y a aucune trace de cela. Aucun témoignage, pas de correspondance, du moins à ce jour. A priori, Monet et Matisse ne s'entendaient pas, enfin, picturalement parlant, c'est pas la même chose. Au contraire, Matisse a connu, notamment dans les années 1890, une grande période de fascination pour les œuvres de Monet. S'il va en Bretagne, c'est grandement à cause de Monet, beaucoup plus qu'à cause de Gauguin. Mm-hmm. Il y a une immense admiration de Matisse pour Monet. Et j'ai imaginé dans ce livre raconter l'histoire réelle. Tout est faux, mais tout est vrai. Comme toujours avec la fiction. De la visite qu'ils rendent un jour de mai 1917 à Giverny. Parce que se concentrent là deux choses. La guerre qui est très proche. La bataille de Cambrai vient à peine de se terminer. Les bruits du canon arrivent jusqu'à Giverny. Et puis ces trois hommes qui sont dans ce jardin coloriste dont parle Marcel Proust. quel sujet est romanesque? Et pour savoir ce qu'ils se disent, il faut évidemment se référer à votre livre, Xavier Girard. Merci beaucoup. Je signale également le Découverte Gallimard Matisse, une splendeur inouïe que nous vous devons. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Romain Billet, Cyrielle Weber et Marie-Claire Oumabadi. La semaine prochaine, nous inscrirons dans le cadre de la semaine américaine de France Culture en évoquant quatre œuvres qui parlent de politique aux États-Unis. Tout de suite, les sciences sur France Culture.